allez vous faire. Toujours les mêmes discours, toujours les mêmes airs. Hollande, Belgique, France, austère, gauche ou libéraux. Avant-centre ou centriste, ça m'est égal. Tous aussi des magots que des artistes. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Pas si surprenant qu'on soit mal poli. Donc vas-y, follow ma folie, ma follow, follow me. Censé devenir un jeune cadre dynamique. J'ai toujours été qu'un jeune stressé qui panique. C'est marqué sur nos actes de naissance en italique. On a tous un pied dans l'hôpital psychiatrique. La nuit dans la bouteille, la journée dans les bouchons. Depuis quand je suis dans les pompes de monsieur tout le monde. La ville dans les oreilles, la fumée dans les poumons. Des moutons, des moutons, des moutons, des moutons. Pardonnez mon petit langage. Oups. Là j'ai plus de 10 ans d'âge. Les médias font trop de chantage. Vous m'avez pris pour un esclave. Debout c'est l'heure du tab. Faut bien limiter la casse. Demande à Raël San. On va tous finir en cage. Riche et malheureux, mais heureusement qu'on a l'euro. C'est cool, non, mais si coûteux que l'argent est à couper au couteau. Et ça taffe pour dépenser, d'arrache-pied, ça pour que ça marche. Crache, crache et du cash, et se saigne jusqu'à être balafré. C'est pour les mecs avec qui j'ai grandi pendant des années. Un beau retour qui me renie par rapport au succès. Tu sais bien, la vie sépare, pas la peine d'en faire un fromage de mon petit buggy barreau dans l'étier. Car j'ai rien de ces cas, je me casse, on se capte un de ces quatre. Allez vous faire foot, j'ai un match de foot. Allez vous faire. Scène, allez tous vous faire huer. Marcher dans les rues, allez tous vous faire juger. Passer sur le billard, allez tous vous faire tuner. Signer sur les contrats, allez tous vous faire plumer. J'allume la télé pour cracher sur des connards que je déteste. J'ai 300 chaînes, pense à la quantité d'insultes que je déverse. On dit que je fais preuve de gentillesse, je fais vraiment preuve de faiblesse. Faudrait leur faire payer leur dette avant que je meure de vieillesse. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Pas si sûr. Allez vous faire muer des yeux, longtemps et puis rester en jeu.